et ma voiture et la radio à l'intérieur. Mon logement qui prend tous les jours de la valeur. Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur. Je suis heureux. Une femme et deux fils qui n'obéissent guère. Achète une résidence secondaire. Le barbecue l'été, le feu de bois à l'hiver. Et pendant le mois d'août, je me dors à la mer. Je suis heureux. Je sais choisir mon déodorant corporel. La crème, mon tonique au parfum personnel. Je comprends mieux ma femme, je me rapproche d'elle. Je sais danser le tchèque, j'ai un slip razurel. Oh, je suis heureux. Ma femme sort sans moi quelquefois, c'est son droit. Elle a ses connaissances, ça ne me regarde pas. Je vois tous les mardis une fille du nom d'Olga. Elle a la bouche grande et ça compte pour moi. Je suis heureux. Je suis un homme de gauche, mais la gauche a vieilli. Il faut évoluer, c'est la loi de la vie. Je ne dis pas cela parce que je suis nanti. D'ailleurs, tout ce que j'ai, je l'ai eu à crédit. Je suis heureux. Si j'ai peur du cancer, j'ai pas peur des Chinois. J'ai du cœur, j'ai donné 10 francs pour le Biafra. J'ai besoin d'érotisme, j'aime Barbarella. De Funès et Dracula, quand je les vois. Oh, oh, je suis heureux. Je rêve chaque nuit et des rêves barbares. Pirate ou cosa boutardard. Écorche ou violeur, incendiaire ou pillard. Et quand je me réveille au matin, c'est bizarre. Je suis heureux. Je ne perds pas mes cheveux, je ne perds pas mes réflexes. Je ne suis pas raciste, je n'ai pas de complexe. Je suis bien dans mon âge, je suis bien dans mon sexe. Aucune raison d'être angoissé ni perplexe. En fait, moi, je suis heureux. J'ai la télévision, les deux chaînes, la couleur. J'ai ma voiture et la radio à l'intérieur. Mon logement qui prend tous les jours de la valeur. Et l'espoir de gravir l'échelon supérieur. Je suis heureux, je suis heureux.